rythmique de base. Solo là. My flower are beautiful. Could you translate with Google Translate in French? Go Google Translate. Could you translate to me Google Translate? Because I like English, but I prefer speak French. Alors, if you want, where is my Instagram? I don't know. You. Ah non, mais j'y suis pas, tiens. Twitter, je suis sur Twitter. Ah, je suis sur ma image. En fait, je suis partout. Mais c'est Manu. C'est Manu qui revient. Ah, ça c'est Manu. Ah, je reconnais le AC, l'AC15, l'AC30, tu vois. Ça, c'est AC15, ça. J'aime bien ça. Regardez celui-là. Ça s'appelle AC Sweeper. C'est pas Wonderwall ça, c'est ça, attends, ça fait comme ça. Today is gonna be the day that they're gonna call it back to you. But I know you should so won't realize what you're gonna do. I don't believe c'est pas la peine de copier toutes les paroles. On s'en fout. C'est une version spéciale d'Oasis, c'est une version remixée par Bamban. Remixée par Bamban. Alors, j'ai perdu les paroles. I don't believe that I'll ever feel the way I do. Audio Light. Bonjour. Bonjour. À bientôt, Phil. Moi aussi, je vais arrêter, je suis fatigué. Et j'ai envie de boire un coup. J'ai trop travaillé. Oh, bah là, on n'entend rien du tout là-dessus. Say you aren't today. We're hiding one dim light and away. Pas mal celui-là.

Oh, Thank you.